longtemps qu'on a crevé sur la route. Et j'y vois rien, la suite du chemin est floutée. Si t'es pas là, je ne peux reprendre la route. Et il est arrivé ce que tu redoutais. Je me tais parce que je sais que je me suis loupé. Donc s'il te plaît, ne viens pas en rajouter. Dans ton regard, je ressens que t'es dégoûté. Calme-toi pour qu'après on puisse en discuter. Ah, yeah. Et si je dois payer pour que tu me croies, ma belle, dis-moi combien ça coûte. Je me serais pas mis avec toi si c'était pour avoir une relation courte. Et si je dois payer pour que tu me croies, ma belle, dis-moi combien ça coûte. Et moi qui pensais ne jamais dire que je serais prêt à tout pour une femme, oh non. Je sais que mes actes ont vu que tu commences à douter. Cette fois-ci c'est la bonne guérie, tu dois m'écouter. C'est le manque de confiance qui va tout faire s'écrouler. Ça date qu'on est ensemble, ça tu peux pas négliger. Je sais que mes actes ont vu que tu commences à douter. Cette fois-ci c'est la bonne guérie, tu dois m'écouter. C'est le manque de confiance qui va tout faire s'écrouler. Ça date qu'on est ensemble, ça tu peux pas négliger. C'est vrai que j'ai pas toujours été correct, mais ça n'a jamais affecté mes sentiments. T'as pris contrôle de ce qu'il y a sous les pecs, mettons de l'eau, on a mis du piment. La confiance se permet, elle se regagne aussi. Mais comment faire si tu me laisses pas de chance, wow. Dans ton regard, je ressens que t'es dégoûté. T'es calme, ça y est, on peut en discuter. Ah, yeah. Et si je dois payer pour que tu me croies, ma belle, dis-moi combien ça coûte. Je me serais pas mis avec toi si c'était pour avoir une relation courte. Et si je dois payer pour que tu me croies, ma belle, dis-moi combien ça coûte. Et moi qui pensais ne jamais dire que je serais prêt à tout pour une femme, oh non. Je sais que mes actes ont vu que tu commences à douter. Cette fois-ci c'est la bonne guérie, tu dois m'écouter. C'est le manque de confiance qui va tout faire s'écrouler. Ça date qu'on est ensemble, ça tu peux pas négliger. Je sais que mes actes ont vu que tu commences à douter. Cette fois-ci c'est la bonne guérie, tu dois m'écouter. C'est le manque de confiance qui va tout faire s'écrouler. Ça date qu'on est ensemble, ça tu peux pas négliger.